20-28, activation orale, faire ce qu'on veut. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Pourquoi est-ce que le garçon de la closerie ne prend pas le temps de lire? Et vous répondez? Il ne fait pas ce qu'il veut. 2. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps de lire? Je ne sais pas ce que je veux. 3. Pourquoi est-ce que vos parents ne prennent pas le temps de voyager? Ils ne font pas ce qu'ils veulent. 4. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps de voyager, vous deux? Nous ne faisons pas ce que nous voulons.